sens seul. Je me sens seul. Je me sens seul. Je me sens seul. Ici, je me sens seul. Je me sens seul. Je me sens seul. Ici, je me sens seul. Ici, je me sens seul. Je me sens seul. Je me sens seul. Ici, je me sens seul. Ici, d'où je viens, qui je suis. D'où je viens, qui je suis. Je me sens seul. Ici, je me sens seul. Ici, je me sens seul. Ici, je me sens seul. Je me sens seul. Ici, je me sens seul. Ici, sachant que je ne pourrai jamais retourner sur la planète où je suis né. Sachant que l'on va peut-être crever si l'on ne trouve rien à manger. Une autre sphère pourrait nous planter. Une autre sphère pour nous planter. Une autre terre pour faire pousser. Pour faire pousser et puis faire des économies. Superfusion bien gérée, superfusion. Superfusion bien gérée, mais attends, est-ce qu'on peut encore. Est-ce qu'un autre. Un autre pourrait-je. Est-ce qu'un autre monde pourrait nous aimer? Pour l'instant, je me sens seul. Ici, je me sens seul. Ici, je me sens seul. Ici, je me sens seul. Ici, je me sens seul. Ici, je me sens seul. Ici, d'où je viens, qui je suis. Je me sens seul. Je me sens seul. Je me sens seul. Je me sens seul. Malheureusement.